sont si seuls que les gens pensent que les gens ne voient que. Les gens disent qu'ils les gens disent que les gens sont heureux. Et les gens disent que les gens se disent putereux malheureux. Les gens disciplinent, les gens disciplinent, les gens rêvent d'eux. Mais pour nous, ce sera différent. Oui, pour nous, restons des enfants. Que nous ne sommes pas les gens.